Chapitre 3e, Twopenny Postman. On ne doit pas penser que Daube et son cercle bornaient tout à fait leur plaisir de société aux réunions des dimanches soirs à la maison du commis brasseur. Il y avait de grandes occasions dans lesquelles Henri-Adolphe et ses amis se réjouissaient d'une manière plus distinguée. Dans ces occasions, Célina invitait généralement sa rustique cousine à se joindre à la fête. Car lorsqu'on veut régaler ses amis, la fille d'un régisseur de ferme, qui peut apporter un panier d'œufs et de volailles, de fruits et de légumes, de jambon fumé au logis et d'odeur en mille vierges, n'est pas une personne à dédaigner. Le temps était très beau pendant la dernière semaine d'août, et inspiré par le souffle embaumé des brises qui arrivaient dans les fenêtres de la villa Amanda, seulement un peu vicié par les vapeurs sulfureuses d'une briqueterie voisine, Daube se mit à organiser un pique-nique. Cette idée fut discutée le premier dimanche soir après qu'elle fut sortie du cerveau amantif de Daube, aussi complète que Minerve de celui de Jupiter. « Je suppose que nous choisissions le premier dimanche. C'est le jour où l'aristocrate bouffi visera la perdrix inoffensive avec ses yeux cruels. Pourquoi donc n'aurions-nous pas aussi notre petite récréation ?» s'écria Henri-Adolphe. « Spinner, mon garçon, prenez votre crayon et écrivez le programme. Nous ferons les choses dans le grand genre, ou nous ne les ferons pas. Premièrement, et avant tout, où irons-nous ? » Naturellement, chacun désigna un endroit différent et rejeta les propositions de son voisin. Mais le commis du brasseur était le dictateur de ce petit cercle, et après avoir laissé ses hôtes se contredire les uns les autres, jusqu'à ce que l'argumentation fût sur le point de se changer en querelle, Daube se leva dans toute la majesté d'un esprit supérieur, et répandit l'huile de la conciliation sur les eaux troublées de la dispute. « Vous n'allez pas vous couper la gorge pour cela maintenant, » s'écria-t-il. « Si vous ne respectez pas les lois de notre pays, vous pouvez au moins avoir pitié de l'homme qui transportera les vivres de ma femme. Je vais vous dire ce qui est. Nous n'irons pas à l'abbaye de Milldale, Spinner, car si nous y allions, nous rendrions Pocombe farouche. Et nous n'irons pas à Brycommon, Pocombe, de crainte de rendre Spinner furieux. Et si nous choisissions le Walden Wood, comme Smith le propose, nous attirerions sur nos têtes la colère de Saunders, qui vote pour Turlington Meads. Notre devise sera Pax Vobiscum. Nous ne voulons contrarier personne en favorisant quelqu'un. Nous irons à Lemley Hills, dont pas un de vous n'a eu le bon goût de se souvenir et qui est le plus charmant endroit pour un pique-nique de tout le comté, et à 500 pieds au-dessus du niveau du dôme de Saint-Paul. « Ah, Célina !» murmura Dorothée qui était assise auprès de sa cousine. « Pensez-vous que Henri-Adolphe veuille m'emmener ?» L'oreille subtile de Daube entendit ce qu'elle disait tout bas. « Voilà ma cousine Dorothée qui corrompt ma femme pour avoir une invitation, » dit l'employé. « Non, Dorothée, pas six paires de volailles, comme vous les proposez généreusement pour votre part. Nous dirons simplement une couple ou deux de poulet et un dito dito de canard. Et quelques petites bagatelles sous la forme d'un jambon de 20 livres, ou d'une rouelle de bœuf salé que vous pourrez y joindre. Je suis sûr que mon père me laissera porter un panier, s'empressa de dire Dorothée, en regardant Catherine, qui, assis auprès d'elle, mettait un gros cigare en pièces d'une manière farouche, et qui prenait très peu d'intérêt au pique-nique proposé. Vous viendrez, n'est-ce pas, Jarboys ? Murmura-t-elle. Si vous ne venez pas, je ne m'en soucie pas le moins du monde. Dorothée ! S'écria Daube sévèrement. Nous ne sommes pas dans une année bissextile, et les propositions matrimoniales venant du sexe faible sont aussi inexcusables qu'inutiles. D'ailleurs, parler tout bas n'est pas permis dans une société policée. Cependant, votre jeunesse et votre ignorance vous serviront d'excuse, et vous pouvez vous considérer comme pardonné. Après cela, Daube et ses amis entrèrent dans des calculs très approfondis sur les voies et moyens. Il fut décidé que Spinner amènerait sa femme, sa sœur et un gigantesque pâté de veau et de jambon. Smith, avec sa nièce, se chargerait de 2 bouteilles du meilleur Old Tom des armes de Castleford. Pocombe et sa femme viendraient accompagnés d'une selle de mouton froide. Saunders, étant garçon, serait taxé légèrement jusqu'à concurrent d'une bouteille de sherry et d'un plum cake acheté chez le pâtissier. « Et pas de charançon noir dedans, s'il vous plaît !» intercala avec empressement Daube. On ne sait généralement pas que la belle apparence des gâteaux de noces est produite par des charançons noirs et du porteur de Londres. Mais c'est une triste réalité cependant. Ainsi, je vous en prie, Sanders, prenez garde. Nous ne parlerons ni des mauvais œufs ni du beurre rance, car ils sont naturellement employés par tous les marchands de gâteaux. Dope se proposait de fournir les choses diverses, comme il les appelait, et qui semblaient consister principalement en ingrédients indispensables à un festin, tels que le sel, le poivre, la moutarde, les pickles, que le docteur Dope déclarait devoir être plus examiné que personne ne se l'imagine. « Et qu'apporterez-vous, mon honorable ami, dans la branche la plus populaire des deux services ?» demanda le commis-brasseur en se tournant tout à coup vers Jerboys, dont les noirs soucis étaient sombrement contractés, pendant qu'il était assis, et laissait échapper tranquillement la fumée de son cigare, la tête baissée et la figure dans l'ombre. « Allons donc, vous serez le plus grand fashionable de nous tous, et vous devez en sortir très bien. Qu'apportez-vous à la communauté ?» « Remarquez bien, Spinner, que votre pâté au veau ne doit être sous aucun prétexte fait de veau commun. »« Je ne sais pas ce que je pourrais aller faire à votre maudit pique-nique, » répondit le sous-lieutenant avec mauvaise humeur. « En premier lieu, je déteste tous les pique-niques, et en second lieu, je puis être de service. »« Et en troisième lieu, vous ne vous souciez pas de partager la dépense, » reprit Dobb avec un sourire moqueur. « Qui parle des extravagantes habitudes de l'armée, de la marine ?» Voici un gentleman qui a un si grand respect pour le portrait de son souverain qu'il file ou de ses amis pour sauver une demi-douzaine d'effigies de son portrait en miniature. « Oh, que votre pique-nique soit maudit !» s'écria le lieutenant. « Si c'est ma contribution que vous demandez, vous l'aurez. Que j'y aille ou que je reste. Je suppose qu'un souverain fera finir votre insolence, hein, Dobb ?»« Je suppose que oui, » répondit le bel Henri Adolphe, « quand je l'aurai. » Ces derniers mots furent prononcés avec intention. Jerboys tâta ses poches, et le froncement de sourcils qu'il y avait sur sa belle figure dissolue devint plus marqué qu'il n'était. Il avait cru que Dobb repousserait son offre avec indignation, et se trouvait dans une position désagréable, exposée à l'insolence que pourraient exprimer une demi-douzaine d'yeux de gens mal élevés et une demi-douzaine de langues vulgaires. Lorsque le descendant d'une bonne et ancienne famille fréquente une société au-dessous de lui, il paye chèrement ce mauvais goût. Ah, c'est le plus fatal de tous les vices qui puisse mener un homme à sa perte. Le fléau d'un Brower et d'un Morland, la ruine d'un Savage et d'un Burns. Malheureuse est l'heure où un jeune homme ambitieux s'écrie pour la première fois qu'il vaut mieux régner dans un village que de servir à Rome. Tandis que le front du lieutenant se rembrunit et que le rire qui s'épanouit sur la demi-douzaine de figures vulgaires devient plus prononcé, une petite main se glisse furtivement dans la paume de la main de Cathron, une tendre petite main douce et gentille, comme l'aile frémissante d'un pigeon. Et le lieutenant sentit la pression d'une pièce de monnaie, une pièce qu'il saisit avec autant d'empressement que l'homme traditionnel qui se noie saisit la paille traditionnelle, et au toucher et au poids, il reconnut un souverain. Dorothée avait cherché en tâtonnant dans sa poche la bourse dans laquelle elle conservait une brillante pièce d'or. D'après le même principe, qui faisait garder leur trésor aux demoiselles Primrose, elle était ineffablement heureuse de pouvoir tirer son amant d'embarras. Catherine lança le souverain avec une telle impétuosité qu'il roula tout autour de la table avec un bruit sonore et retentissant avant de s'arrêter au centre même du meuble hospitalier sous l'ombre de l'énorme bidon qui contenait le gallon de bière habituel. « Blé d'Égypte !» s'écria Spinner, un peu désappointé par ce dénouement inattendu. « Et il est bon encore, » dit Dobb. « Il est certain que le lieutenant ne pouvait agir plus grandement, » ajouta la pacifique Célina, qui en parole était toujours désireuse de dire quelque chose d'agréable. « Et maintenant je vous souhaite le bonsoir, messieurs, » dit Cathron, en jetant le bout de son cigare à travers la chevelure d'un blond ardent de Spinner, qui se trouvait entre lui et la croisée ouverte, et poussant du pied la chaise qu'il venait de quitter, il marcha vers la porte. « J'ai payé ma part de votre très hospitalière réception, et vous et votre pique-nique peuvent aller. »« Allons, revenez !» s'écria Dobb en empochant le souverain. « Cela ne se fait pas, vous le savez bien, Cathron. Une farce est une farce, voyons, et un homme qui n'a pas un assez bon caractère pour ne pas se fâcher à propos de tout ferait mieux de se faire ermite tout de suite et de se séparer pour toujours de ses semblables. Asseyez-vous, mon vieux camarade, allons. Ne voulez-vous pas fumer un autre cigare ? par ici, Spinner. Donnez au lieutenant un de vos régalias. Peu importe s'il valent 6 pence la pièce. Nous donnerons un penny à la ronde pour vous le payer, » ajouta le commis, dans le cercle duquel les allusions plaisantes sur l'état des finances d'un homme ou sur sa mauvaise volonté de participer à quelque chose avec son argent étaient regardées comme extrêmement amusantes. Le lieutenant accéda maussadement au désir de Dob, il reprit sa chaise de mauvaise humeur et il accepta le cigare de Spinner aussi peu gracieusement que toutes les politesses qu'on lui avait faites pendant la soirée. Dorothée le regardait avec des yeux désolés et désespérés. Elle avait une idée confuse que c'était un être méprisable, et que c'était seulement la misère et le désappointement qui pouvaient le porter à l'aimer. Et cependant, le plus rapide regard de ses yeux noirs farouches, la plus faible pression de cette main blanche et efféminée l'agitait d'une émotion qui, dans son intensité, ressemblait plus à la peine qu'au plaisir. Catherine avait ces derniers temps été obligée de supporter quantité de badinage de ce genre, que Dob appelait « passe-temps », mais que les gens moins facétieusement disposés eussent considéré comme des insolences vulgaires. Tout grand fashionable que le lieutenant pût être dans l'appréciation du petit cercle de Dob, il était forcé de jouer le second rôle et de céder bien des points au commis brasseur. Il était facile de deviner que Gerboys était dans la dépendance du commis, lié à lui par le plus ignoble lien qui puisse rendre un homme l'esclave d'un autre homme. Il devait de l'argent à Dob. Le système, qui avait commencé par l'emprunt d'une petite pièce d'argent ou d'un demi-souverain, s'était élargi pendant les derniers 6 mois, et en ce moment Catherine devait au commis brasseur plus de 30 livres. La valeur de l'argent est purement relative, et 30 livres peuvent paraître une bagatelle à un homme qui paye la taxe pour un revenu de 200 ou 300 livres, est une grande somme lorsqu'il faut la prendre sur les fonds d'un individu qui n'a que 120 livres pour se nourrir, se loger, se blanchir, s'habiller, ses menus plaisirs et payer les gages d'un domestique. Ces 30 livres provenaient de la balance d'une petite somme que Henri Adolphe avait économisée pendant qu'il était garçon et dont la plus grande partie avait été employée à meubler la petite chaumière, vrai nid de colombe, où il avait amené sa Célina. Ces 30 livres étaient destinés à être le noyau de leur fortune à venir, et Madame Dob était persuadée qu'elle était toujours portée au crédit de son mari à la caisse d'épargne de Roxborough. Exerçant l'autorité suprême, comme le faisait le facétieux Dob sur ses amis, et avec douceur sur sa femme, dont les cils presque blancs se baissaient sous son noble regard, il y avait des choses qu'il ne se souciait pas de révéler à son aimable partenaire, et cette petite affaire de 30 livres en était une. « Je n'aurai ni trêve ni repos, si je le lui dis, » se disait à lui-même Dob, « et cela ne me rendra pas l'argent prêté à Catherine. » Il est à supposer qu'un homme s'entendant aux affaires comme Dob eût été assez faible pour prêter de l'argent à son ami sans quelque idée d'en tirer profit plus tard. Les avances du commis n'étaient qu'autant de placements de son capital, placements qui promettaient de rapporter de très beaux intérêts. Le précepte émis par notre grand guerrier, le duc de Wellington, sur les grands intérêts et les mauvaises garanties, quoique presque aussi infaillible que la sagesse humaine peut l'être, est de nature à être méprisé et rejeté par tout capitaliste audacieux auquel la nature a donné le génie d'un spéculateur. Car il regardait que chaque 5 livres qu'il avançait à ce gentleman lui en rapporterait 10. Jamais un Catherine ne s'était arrêté à calculer ce que lui coûterait aucune jouissance personnelle, et Gerboys aurait aussi bien promis 100% qu'il en aurait promis 5 pour arriver au but qu'il se proposait. Lorsqu'un homme a un pénible soupçon que sa signature ne vaut pas la feuille de papier sur laquelle elle est apposée, il doit être très indifférent sur la somme dont il se reconnaît débiteur. Gerboys recevait toutes les remontrances de ses amis en leur assurant que l'argent qu'il empruntait sera payé, principal et intérêt, même jusqu'à 6 pence. Le lieutenant avait été joueur, dans une petite mesure, depuis qu'il avait été assez âgé pour lire les annonces des courses dans les journaux de son père, et risquer une demi-couronne sur le derby favori, de moitié avec un jeune boucher du voisinage. Il avait flâné au coin de Farringdon Street et erré aux environs de Love Lane et des barrières. Il s'était abruti avec de la bière dans de sombres parloirs sportiques, dans Newgate Market, dans les intervalles de liberté que sa profession lui laissait, et même maintenant, depuis que son régiment était en garnison à Castleford, Il allait à Londres dès qu'il pouvait obtenir un jour de congé et retournait se traîner dans ses anciens repères pour rencontrer les mêmes conspirateurs râpés au même coin de rue et tenir à la dérobée les mêmes conversations sur le même sujet avec le même air de comploter un assassinat ou quelque chose de la même espèce. Continuellement, il assurait à Dobe que sa pauvre petite signature, apposée nonchalamment d'une main faible et illisible, serait fidèlement tenue. Henri Adolphe connaissait tous ses projets, ses secrètes notions sur les chevaux non encore classés qui devaient gagner le prix de 2000 guinées, ses informations, également toutes de confiance, sur le cheval noir du comté de York, qu'on disait artificiellement boiteux, mais qui était connu par les plus malins pour être un bon coureur et qui devait certainement gagner le Chester Cup. L'argot du turf attire les hommes faibles comme l'odeur du sang attire les oiseaux de proie. L'amour des courses de chevaux semblait triner dans le cœur de la race humaine. Il n'y a rien de si attrayant et de si irrésistible que l'atmosphère du betting ring. Pas d'enivrement si puissant que celui d'une course. Et aucun subtil mélange des fleurs du midi produit par M. Rimmel ne pourra jamais être aussi populaire que le simple parfum qu'il appelle Jockey Club. Henri Adolphe, tremblant pour ses 30 livres, était cependant assez faible pour écouter la voix de l'enchanteur et pour croire continuellement à ses informations certaines qui toujours tournaient en déconfiture. Ces deux hommes étudiaient les listes des paris de Holt jusqu'à ce que le léger papier, sur lequel le prix courant du ring était imprimé, fût devenu mou et flasque à force d'être plié et déplié. Ils discutaient les probabilités des courses de la saison jusqu'à ce que la pauvre faible cervelle de Célina fût troublée de leur jargon d'écurie. Mais plus ils en parlaient, et plus profondément les pieds du commis-brasseur s'enfonçaient dans la fondrière que les hommes appellent le turf. Il y avait des moments où, au lieu de regretter sa folie d'avoir prêté de l'argent à Cafron, Dobe se lamentait de ne pouvoir spéculer pour son propre compte, tant l'occasion lui semblait brillante pour la spéculation, si certaines lui apparaissaient les chances de succès. La plus grande partie des courses de l'année était finie. L'espérance et le désespoir avaient régné alternativement dans le cœur de Gervoise. Le 2000 et le 100 000, le Métropolitain, le Derby, les Oaks, les Ascot Stakes and Cup, le Liverpool Plate, le Chester Cup, le Great Ebor, toutes les grandes courses du printemps et de l'été avaient eu lieu, et Gervoise avait parié pour des chevaux encore inconnus avec la ténacité d'un homme qui a besoin de gagner un gros enjeu avec un petit capital et qui a perdu ses pitoyables paris l'un après l'autre en empruntant où il pouvait emprunter et en mettant en gage lorsqu'il pouvait le faire jusqu'au moment où la grande dernière lutte de l'automne fut proche et où le sport de tout l'univers commença à parler du léger, le grand rendez-vous de l'année, le champ de bataille où les Grecs rencontrent les Grecs et où on lutte avec acharnement pour tâcher d'obtenir le ruban bleu du Nord pour le vainqueur des dunes d'Epsom ou pour celui de Newmarket. La fin d'août approchait, et de la fin d'août au 15 septembre, l'intervalle était bien court pour agir. Mais jusque-là, le lieutenant n'avait pu se procurer 6 pence pour les risquer sur une chance qu'il croyait capable de le dédommager de tous les mauvais hasards de l'année. Il connaissait assez l'état des finances de son ami Dobe pour savoir que toute tentative de ce côté était inutile. Il avait emprunté aux officiers ses camarades et était tombé vis-à-vis d'eux dans cette profonde dégradation où tombent inévitablement les emprunteurs par habitude qui ne paient jamais. Il devait à tous les marchands auxquels il avait affaire, tant pour des fournitures que pour de petits emprunts d'argent. Les économies même de la pauvre petite Dorothée n'avaient pas été sacrées pour lui, et le souverain donné pour le pique-nique avait été le dernier du petit trésor contenu dans une petite chaumière suisse en carton servant de tirelire que la fidèle petite femme de chambre avait brisé sans pitié au profit de son amant. Et dans le petit cercle du sport où Cafron avait accès, on ne connaissait pas le crédit. Les teneurs de livres de Paris avec lesquels il avait affaire, assis dans de sombres parloirs, avec de grandes sacoches devant eux, recevaient le tribut doré de leurs fidèles aussi vite qu'ils pouvaient compter les pièces de monnaie qu'on leur tendait. Le lieutenant devenait de plus en plus maussade à mesure que les jours s'écoulaient, et aucun rayon de l'étoile polaire de l'espérance ne brillait à l'horizon sombre. Cette fois, ses informations étaient si certaines qu'il ne pouvait y avoir aucune chance de désappointement, et tous ceux qui s'y connaissaient voyaient tous de la même manière, et les voix de Farringdon Street et de Newgate Market se prononçaient comme la voix d'un seul homme. « Si j'avais 1 million d'argent, je mettrais jusqu'à mon dernier sou sur Twopenny Postman, et beaucoup plus, si je pouvais emprunter, pour être quelque chose dans l'affaire. Si quelqu'un voulait parier avec moi un pony, 25 livres sterling, contre ma grand-mère, je la mettrais dessus, et je n'aurais aucune crainte que la vieille femme en éprouva le moindre mal. » Avait-on entendu s'écrier un gentleman en tablier bleu, l'oracle de son cercle, dont les moindres mots étaient reçus avec empressement par ses auditeurs, qui spéculaient follement sur des éventualités à venir. « Il y a une fortune à faire avec Twopenny Postman, » disaient les conseillers du lieutenant, « si seulement il avait un billet de 10 livres ou quelque chose de la sorte à risquer. » Major Boyce n'avait ni 5 livres ni 10 livres, comme il le disait plaintivement à son ami Dobb, et la bonne chance serait perdue. Ces deux hommes parlaient encore de cette affaire en retournant à Castleford par une soirée d'automne éclairée par la lune après avoir escorté la petite Dorothée jusqu'aux portes de Scarsdale. « Jamais il n'y aura une pareille occasion, » disait Caffron. « Le cheval a été tenu à l'écart toute la saison, et comme il n'a rien fait de remarquable à 2 ans, le public ne compte pas sur lui. Mais je pense que les amateurs de course doivent être guéris maintenant de leur enthousiasme pour les célébrités de 2 ans, d'après la manière dont ils se sont mordus les pouces, pouvoir parier pour Prométhée pour le prix des 2000 guinées. Il avait remporté l'avantage sur tout ce qu'avait été mis en dehors de TIC l'année dernière, et il s'est replié sur lui-même comme un télescope dans la grande course. Vos merveilles de 2 ans sont comme les petits comédiens prodiges et les enfants précoces, qu'on appelle des Norval à 3 ans, et qui ne reconnaissent pas un Adam B à 20. Twopenny Postman est un grand vilain animal qui n'a que la peau sur les os. Il est capable de faire des enjambées d'ici là-bas, et on ne l'a pas gardé à l'écart pour rien. Ceux qui l'ont vu courir à Curragh disent qu'à la fin il allait comme s'il eût été lancé comme un boulet de canon. C'est un cheval du comté de York, et il a été inscrit sous le nom de Smithson. Mais il y a 3 hommes qui s'y intéressent. On connaît tout cela à Hull. Il y a un cabaretier nommé Howden qui est pour les 3/4, et j'ai des détails sur Howden. Howden est un profond connaisseur. Lui et ses amis ont toujours parié pour ce cheval avec confiance depuis le printemps. Vous auriez pu gagner quelques petites choses depuis 1 mois ou 2. Les gros paris suivront tous les lords Inbro et M. Cherfoot, et il n'a été question de Twopenny Postman nulle part que dans ces derniers temps. Mais il s'est relevé un peu au betting de Manchester. On sait qu'il est à Manchester et vous pourrez gagner plus de 15 pour 1. Même à ce taux, votre billet de 10 livres vous en rapporterait 150. Ce qui ne serait pas un mauvais placement pour votre argent. » L'eau vint à la bouche de Dobb comme à celle d'un épicurien qui entend l'éloquente description de quelque banquet impossible. Si le lieutenant avait pu parier pour Twopenny Postman et gagner 150 livres, sa signature, qui maintenant ne semblait qu'un misérable chiffon de papier, pouvait se convertir en billet de banque. Ah, alors, quel triomphe d'aller à Célina et de lui dire « Voilà les fruits d'un prudent placement. » Et il serait capable de lui donner un nouveau chapeau et de se régaler d'un magnifique vêtement en velours, semblable à ceux qu'il avait contemplés avec envie sur les vaillantes épaules des dandys militaires qui paradaient dans la rue haute de Castleford. Et après avoir fait tout cela, il pourrait encore mettre 150 livres à la caisse d'épargne à la place des 30 qu'il avait prises. Mais il avait déjà, avant ce jour, écouté la voix du lieutenant. Dans combien d'autres chevaux peu connus, Caffron n'avait-il pas déjà eu si entièrement confiance? Combien d'hydrophobia et de radamante, de mixed biscuit, de Newgate Calendar et d'Alcibiade, tous chevaux qu'on lui avait dit être infaillibles, tous qui avaient éprouvé une défaite ignominieuse. Le sens commun murmurait à l'employé brasseur que les informations de Caffron étaient des illusions et des pièges. Mais le démon de la spéculation était en possession de l'autre oreille de Dobb. Il lui disait qu'un homme qui continue à jouer ne peut pas toujours perdre, et qu'un spéculateur qui a eu 12 de mauvaises chances fera vraisemblablement un grand coup la 7e fois qu'il s'y risquera. Caffron ne fut pas long à faire lui-même usage de cet argument. Supposez que Sir Josiah Morley et cessé de parier quand il a perdu 20 000 livres sur Skellelon, dit le lieutenant. Où en serait-il maintenant? Supposez que M. Cheerful eût renoncé à faire courir après la défaite de Gutta-Percha. Cette jument lui aura-t-elle fait gagner depuis 2 500 livres chaque année? Le secret du succès sur le turf est la persistance, et l'homme qui continue longtemps est sûr de faire fortune. Je sais que nous avons été diantrement malheureux tout l'été, mais les renseignements que j'ai eus ces derniers temps viennent d'une nouvelle source, et je sais qu'ils sont certains. Malgré tout, je n'en dirai pas davantage sur ce sujet. Je n'ai pas d'argent. Vous ne pouvez pas m'en prêter, ni m'en faire prêter par personne. Ainsi, qu'il n'en soit plus question. Mais la question ne pouvait pas en rester là aussi facilement. L'image du vilain cheval, qui n'avait que la peau sur les os, hanta Daube au milieu de la nuit, et son repos fut troublé par la vision des triomphes financiers qui auraient pu devenir les siens s'il avait possédé un billet de 10 livres. 5 livres avancés à Cathron auraient récompensé ce gentleman de ses informations et lui en auraient rapporté 75, sur lesquels Henri Adolphe en aurait réclamé 60. Avec les autres 5 livres, l'employé aurait spéculé pour son propre compte et aurait pu s'attendre à gagner aussi 75 livres, et par ce moyen, le 16 septembre, il aurait pu avoir en sa possession 135 livres, le noyau d'une fortune colossale. Laffitte en avait-il eu autant pour commencer sa brillante carrière? Roulant fébrilement ses longs cheveux graisseux sur ce qui paraissait un oreiller singulièrement massif, Daube se voyait dans un brillant avenir, escomptant des petits billets aux officiers à 30% et les renouvelant à 50. La portée de ses yeux ne se bornait pas à cette vision éclatante. Plus tard, à une distance incommensurable dans le pays des rêves, il voyait un homme s'appuyant sur un pilier du Stock Exchange, pendant que ses connaissances regardaient avec respect sa figure de radamante, comme s'ils eussent pu y deviner les secrets des empires, et le nom de cet homme était Daube. L'employé alla à son bureau le lendemain matin, paraissant pâle et abattu, et en écrivant à un client de la brasserie pour affaires, il se surprit à commencer ainsi. Nous prenons tout Penny Postman pour vous informer que vos X, XX et XXX du mois de mars dernier sont maintenant, etc., etc.